إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui un nouveau cours, comme on avait expliqué au dernier cours, qu'on allait faire deux cours chaque fin de semaine, un cours le samedi, puis un autre cours différent, un sujet différent le dimanche. Et aujourd'hui, on a donc choisi, avec les frères, de faire une petite risala écrite par le cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, qui s'intitule « Haqiqatu shura fil islam ». Et le cheikh Mohammed Aman al-Jami, c'est un parmi les grands ulama de notre époque, parmi les ulama as-salafiyin, et il est d'origine de l'Éthiopie. Le cheikh Mohammed Aman al-Jami, il est de l'origine de l'Éthiopie. Et il fait partie des ulama qui ont pris les responsabilités dans cette umma de clarifier pour les musulmans, et en particulier les jeunes, la réalité de la aqida d'Ahl Sunnah al-Jama'a et la réalité du danger des voies de l'innovation et de l'égarement et des bid'ah, et qui ont clarifié pour les jeunes de la Umma les différentes formes de hizbiyya et les différents groupes et les différentes formes d'égarement qui sont apparues à notre siècle. Et ils ont joué donc un grand rôle dans ce sens-là, surtout lorsque une grande fitna est apparue dans la Umma lors de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Donc à la suite de la première guerre du Golfe, les gens de Hezbollah sont sortis en force, hein, les Sururiyya, les Qutbiyyin, et ainsi de suite, toutes sortes de différentes tendances de Ikhwan et autres, et ils ont commencé à montrer leur vrai visage à ce moment-là et la haine qu'ils avaient contre les gens d'Ahl Sunnah. Donc parmi les mashaykhs qui ont pris le flambeau de la clarification de la Sunnah et de la vérité, ben, il y a eu le cheikh Mohammed Aman al-Jami et avec lui d'autres ulama parmi les ulama de Médine comme le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali et le cheikh Salih al-Suhaymi et le cheikh Ubaid Al-Jabri, hein, et d'autres ulama aussi, parmi les ulama de l'époque, bien entendu, parmi les ulama, comme Cheikh Al-Albani qui était vivant, et il y a eu aussi Cheikh Ben Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, et les autres mashaykhs, parmi les grands ulama qui étaient encore vivants à l'époque, bien entendu. Mais Cheikh Mohammed Aman, il a laissé quand même une marque très importante. À un point tel que jusqu'à aujourd'hui, les Hizbiyyin appellent les Salafis des Jamiya. Hein? À tel point que le cheikh il a laissé une marque dans ce siècle et dans cette da'wa que les gens l'ont appelé les Salafis à notre époque des Jamiya par rapport à son nom, puisqu'il s'appelle Mohammed Aman al-Jami. Hein? Donc c'est ça ce qu'ils font les gens de Bid'a quand ils veulent faire peur aux gens et les éloigner de la Sunna. Eh bien ils prétendent que les savants qui ont défendu la Sunna ont ramené une nouvelle secte. Donc ils donnent, hein, au nom, ils donnent à la salafia le nom de la personne pour faire croire aux gens que c'est pas l'islam authentique, mais que c'est une secte que cette personne-là a inventée. Comme ils ont fait pour la wahhabiyya, comme ils disent la wahhabiyya par rapport au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et bien ils font la même chose avec al-jamiyya, cheikh Mohammed ibn Mohammed Aman, et cheikh Rabi' al-Madkhali font la même chose, madakhila, ils disent que tu es un madkhali ou un madakhila, hein? Donc c'est partout, c'est pareil, hein? Donc ils ont fait ça avec le cheikh Mohammed Aman. Comment ils nommaient les gens qui suivent, qui à l'époque, le cheikh Mohammed Aman, et même aujourd'hui il existe encore des jami, hein, jamiya, dites-vous, vous êtes des jami, c'est comme ça qu'ils nous appellent, ou bien ils disent des madkhali, des madakhila, jami, vous êtes des jamiya. Plein de ulama ont réfuté ça, même cheikh Al-Fawzan, il a dit, demandez-leur c'est quoi la jamiya. La jamiya c'est l'islam, c'est la salafia. Il n'y a pas de jamiya. Donc c'est pour vous dire comment le cheikh il a été fort. Et vous avez juste, si vous voulez savoir un peu de comment était le cheikh Mohammed Aman al-Jami, bien, je vous conseille d'écouter ses audios. Hein, ils sont disponibles sur Internet. Vous cherchez ses audios. Il a des cours qu'il a donnés à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a expliqué les livres de Aqidah les plus importants. Al-Usul al-Thalatha, il a un charh en 7 cassettes. Et il y a Al-Aqidah al-Wasitiyya, il a fait le charh. Il a fait le charh du charh de son cheikh. Parce que Al-Aqidah al-Wasitiyya, il a été expliqué par cheikh Mohamed Khalil Harras, un des shuyukh de l'Azhar. Hein? Et Cheikh Mohamed Khalil Harras, c'est un cheikh spécialiste dans la philosophie, Al-Azhar. Et quand il voulait écrire son doctorat, il a choisi un sujet. C'est-à-dire, il voulait réfuter Ibn Taymiyyah. C'était ça son sujet. Non, exact. Mais lui, c'est ça. Lui aussi, il faisait partie de ces gens-là. Mohamed Khalil Harras. Là, il dit, ça y est, moi je vais réfuter Ibn Taymiyyah. Il a rassemblé tous les livres qu'il a trouvés sur Ibn Taymiyyah. Commence à lire 3 mois après avoir commencé la lecture pour sa recherche, pour sa thèse de doctorat. Il a réalisé qu'il devait changer le titre de sa thèse. Fait qu'au lieu de faire une thèse pour réfuter Ibn Taymiyyah, il a écrit une thèse pour défendre Ibn Taymiyyah. Et le titre de sa thèse, c'était Ibn Taymiyyah al-Salafi. Ibn Taymiyyah al-Salafi. Et elle est publiée. Non, elle est en vente dans les librairies. Hein. Et même vous pouvez trouver des copies de cette thèse sur Internet en PDF, gratuit, hein, sur Internet. De Cheikh Mohamed Khalil Harras. Et donc, ça c'est pour vous dire. Ensuite, il est parti. Et il est devenu un prof à l'université en Arabie Saoudite. Et parmi les gens qui ont étudié avec lui, il y a le cheikh Mohamed Aman al-Jami. C'était son cheikh. Donc il a dit, cette histoire que vous avez entendue à propos de sa thèse, je l'ai entendue de sa bouche, directement. Il nous l'a raconté quand on était ses élèves. Donc ce cheikh, Mohamed Khalil Harras, il a écrit un charh de l'Aqidah al-Wasitiyya. De Ibn Taymiyyah. Il a expliqué cette aqidah. Donc le cheikh Mohamed Aman, il fait le charh de ce charh. Il fait des commentaires et il explique. C'est très très bénéfique. Donc il y a ces cours-là, une trentaine de cassettes, et ils sont disponibles sur Internet, sur le site de, je pense même sur le site de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masjid al-Nabawi, sur le site vous le trouvez. Et il y a aussi l'aqida al-Hamawiyya, le fatwa al-Hamawiyya al-Kubra. Il y a le charh de ça de Cheikh Mohamed Aman. Et justement, je l'ai toujours, par exemple, je le tiens toujours dans mon téléphone. Et donc, juste pour vous donner l'exemple, comment le Cheikh il parlait. Et comment il parle avec force. Et même Cheikh Rabi' al-Madkhali, il est un des élèves de Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Et il a dit, Cheikh Rabi', il a dit à propos de Cheikh Mohamed Aman, j'ai jamais vu quelqu'un qui expliquait l'aqida de façon aussi claire et aussi bien que Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Il a une façon incroyable. Et quand il parle dans l'aqida, il a jamais d'hésitation. C'est-à-dire, quand il explique, tu vois que c'est quelqu'un qui est mutamakkin. Il est ferme dans sa connaissance et il sait de quoi il parle. Donc ça c'est l'aqida, al-fatwa al-hamawiyya, ça c'est l'élève qui lit le matin. Là, le cheikh il corrige. Ça, c'est Cheikh Mohamed Aman. Ça, c'est dans la mosquée du prophète. Ça, المعتزلة خلوكم معي الشيخ يدي استي كونسنتري لا perdez vous pas là hein. Je pense que vous le trouvez là-bas, sinon c'est sûr que vous pouvez le trouver. Il y a aussi l'aqida sharh at-tadmuriyya. At-tadmuriyya aussi يعني qu'il explique aussi une autre risala de Cheikh Ibn Taymiyyah al-Tadmuriyya, et il a fait aussi Sharh Kitab al-Tawhid, et il a fait beaucoup d'autres livres aussi. Donc c'est juste pour vous dire qui c'est le Cheikh Mohamed Aman. Et justement il y a le livre ici, vous voyez à la fin, à la page, l'autre page c'est écrit Al-Aqidatu al-Islamiyya wa Tarikhuha. Ça c'est un livre que j'ai traduit en français justement, il est sur mon site en PDF, La croyance islamique et son histoire. Il est sur le site, il est gratuit. Et dans le début de la première partie, c'est la biographie du Cheikh. Donc si vous voulez savoir les détails sur la biographie du Cheikh Mohamed Aman, eh bien vous allez la trouver dans l'introduction de la traduction que j'ai faite, Inch'Allah. Donc c'est ça. Donc il a enragé les hizbiyyins, les gens de bid'a et tout. Juste pourquoi? Parce qu'il a clarifié la vérité. Et eux, ils détestent la vérité. Donc on va commencer avec cette risala qu'il a écrite, qui s'appelle « Haqiqatu shura fil islam ». C'est-à-dire la réalité de la shura dans l'islam. Et vous savez que le terme « shura » en français, ça peut être traduit par « la consultation ». La concertation ou la consultation, les deux termes peuvent être valables, de se concerter avec les sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se concertait avec les sahaba dans des questions de guerre ou dans des questions des stratégies militaires ou des opinions comme ça, des choses, quand les gens avaient besoin de conseils ou des choses comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se concertait avec eux et il les consultait avant de prendre une décision dans certaines choses. Donc il y a parmi les hizbiyyins à notre époque des gens qui ont été éblouis par la civilisation soi-disant occidentale et qui veulent à tout prix imiter tout ce qui vient de l'Occident et tout ce qui vient des kuffars. Et pour eux c'est le top de l'évolution, puis de la compréhension, puis de la modernisation, puis de la je sais pas quoi encore. Donc ils veulent essayer de toujours interpréter l'islam à la lumière de ces principes des koufars qu'est-ce qu'ils ont inventé. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre les principes des koufars, puis ils vont essayer de trouver dans le Coran et dans la Sunna des éléments qui pourraient être interprété d'une façon à incorporer ces principes des kuffars à l'intérieur de l'islam, ou bien pour essayer de faire croire que ces principes-là sont compatibles avec l'islam. Donc, le cheikh Mohamed Aman, il a écrit cette risala pour expliquer que l'islam, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est selon l'islam qu'on doit juger, et que la démocratie n'a rien à voir avec l'islam, que la shura, c'est un principe qui vient d'Allah, il n'est pas comparable à un principe humain comme celui de la démocratie. On a fait déjà des cours sur la démocratie, on a fait une série de cours, je ne me rappelle plus le nombre, mais ça s'appelle, la série s'appelle « Les méfaits de la démocratie hein ». Et dans cette série-là, on a parlé des preuves qui montrent qu'il n'y a pas de démocratie dans l'islam, il n'y a pas de place pour ces choses-là dans l'islam. Et qu'est-ce qui est important, juste avant de commencer, qu'est-ce qui est important de comprendre par rapport à ces choses-là, c'est que tout principe, ou toute idée, ou tout système qui est inventé par les koufars, ou par des même par des gens qui se disent musulmans, même par des gens qui sont musulmans, mais qui inventent des systèmes par eux-mêmes, hein, qui ne sont pas tirés du Coran et de la Sunna et qui ne viennent pas de la révélation, ce sont des choses qui peuvent être bonnes et qui peuvent être mauvaises en même temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du bien dedans, mais il peut aussi y avoir du faux dedans. Hein? C'est comme par exemple, il y a des koufars, ils inventent des systèmes politiques, économiques, sociaux, et ils essaient de les appliquer. Après 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils disent « Ah ben, ce système, il n'était pas bon. Donc on va essayer un nouveau. » Il y a un autre philosophe qui arrive, il fait un autre système, ou il invente une autre théorie, puis là il commence à dire « Bon, maintenant on va appliquer cette théorie-là parce qu'elle est plus correcte. » Et il change à chaque fois. Parce que c'est des idées humaines. Et par nature, les idées des humains sont plus propices à être des erreurs ou à contenir des erreurs. Contrairement à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut pas contenir d'erreurs. Et aussi le fait que si un musulman par exemple, et le fait que ce soit un kafir, c'est beaucoup plus probable qu'il y ait des erreurs dedans, puisqu'il n'a aucune notion de la révélation, aucune notion de la religion d'Allah. Donc c'est plus propice encore d'être dans l'erreur, plus proche de l'erreur. Tandis que si c'est un musulman qui s'assoit comme ça, puis qui dit « bon, moi je vais inventer un système pour ramener l'islam », comme a fait Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, ou le fondateur des autres groupes, contemporains. C'est la même chose. Ce sont des gens qui se sont assis, ils ne sont pas des ulama à la base, ils ne sont pas des savants de l'islam, ils sont juste des penseurs, des philosophes, ou des gens qui avaient, disons, une culture générale. Donc ils disent, on voit que la umma elle a des problèmes, puis on veut aider à sortir les musulmans des problèmes dans lesquels ils sont à notre époque, donc on va penser à une solution, et on va inventer un système ou des règles pour essayer de pratiquer des choses qui vont nous aider à sortir de ce problème-là, puis de ramener l'islam. Donc c'est des efforts humains pour essayer de régler les problèmes de la Ummah, sans nécessairement, même si parfois ils vont s'inspirer du Coran et de la Sunna, mais ce n'est pas tiré fondamentalement des principes du Coran et de la Sunna selon la compréhension de Ahl-Sunnah al-Jama'a et la compréhension des Salaf al-Saleh. C'est selon leur compréhension à eux. Et souvent, ils essaient de prendre un chemin intermédiaire entre qu'est-ce qui est dans l'islam et qu'est-ce qui est chez les koufars pour essayer de les mettre ensemble et de faire un mélange. Un peu comme les Asha'ira quand ils ont essayé de mélanger la voix des Mu'tazila puis la voix de Ahl-Sunnah pour affirmer certaines attributs puis nier les autres puis dire on va faire un chemin entre les deux. C'est ça qui ramène beaucoup de désordre quand on essaie de mélanger des choses qui ne vont pas ensemble. Donc le cheikh dans sa risala, cheikh Mohamed Aman rahimahullah, il commence par khutbat al-haja, qu'on a récité au début. Après khutbat al-haja, il dit donc: وبعد فهذه رسالة تتناول موضوعات مهمة وملحة في السياسة الإسلامية. سميتها رسائل في السياسة الإسلامية، أقدمها للقراء سائلا الله أن ينفعهم بها. الشيخ الزي سيري de sujets que le cheikh a écrit, parce qu'il a écrit ce livre-là, et il a écrit d'autres livres dans des sujets semblables. Il y en a une autre sur la démocratie. Et donc, il dit, dans ces écrits-là, dans cette série-là, il parle de la politique islamique. C'est-à-dire la politique selon les principes de l'islam, et selon le Coran et la Sunna. Parce qu'on dit tout le temps que la politique, ça fait partie de l'islam. Donc ça, c'est vrai. La politique fait partie de l'islam. Mais la politique dans l'islam, c'est pas qu'est-ce que les koufars, eux, disent lorsqu'ils parlent de politique. Donc les ikhwan, par exemple, quand eux, ils parlent, ils disent « Ah, mais l'islam, elle inclut la politique. La politique fait partie de l'islam. » Ou bien quand ils vont parler, les koufars, quand ils parlent des islamistes, tu leur demandes « Mais c'est quoi la différence ?» entre un musulman puis un islamiste. Et bien là, ils te disent, ben un musulman, c'est quelqu'un qui prie, qui jeûne, normal, mais un islamiste, c'est quelqu'un qui veut politiser l'islam ou qui veut faire partie d'un islam qui est politique. Hein? Donc, hein? Modéré. Allahu a'lam. Ça, c'est ceux qui ne sont pas islamistes, ils appellent modéré. Allahu a'lam. Je pense qu'eux-mêmes sont même mélangé dans les termes qu'ils emploient eux-mêmes, puisque c'est difficile de savoir réellement qu'est-ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils disent ces choses-là. Mais l'important, c'est de savoir que qu'est-ce qu'on veut dire maintenant, c'est qu'ils parlent de l'islam politique, hein, les groupes politiques. Et ils pensent que, par exemple, lorsqu'on dit que dans l'islam, c'est la politique, yani on se réfère à la même chose que qu'est-ce que disent les Ikhwan. Les Ikhwan, ils parlent de politique islamique, puis ils pensent que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, en Égypte maintenant, que c'est ça la politique islamique. Tu crées un parti, puis que dans ton parti, tu dis, nous, on veut l'islam, puis qu'on va écrire sur la constitution que l'islam, c'est la religion de l'État, hein, on va faire un État démocratique, où il y aura des élections, des votes, des partis, puis à chaque 4 ans, on va changer de dirigeant, puis c'est ça un État islamique. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est une société démocratique, hein, et un système politique démocratique. La politique islamique, c'est la politique qui est basée sur la charia d'Allah. Et où on suit l'exemple, dans cette politique-là, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Comment eux, ils ont géré les questions de la Ummah. Et comment ils ont réglé les problèmes de la Ummah. Hein. Et ils s'inspirent des textes du Coran et de la Sunna. Ça n'a rien à voir avec la démocratie pour choisir le dirigeant. Ça n'a rien à voir avec yani, la dictature non plus. Hein? Parce que dans la dictature, c'est celui qui est au pouvoir, c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait les lois, c'est lui qui dit qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal. Ça, c'est pas comme ça dans l'islam. Parce que dans l'islam, c'est pas le dirigeant qui fait le halal et le haram. Hein? C'est pas le dirigeant qui décide qu'est-ce qui est légal ou illégal, c'est Allah. Hein? Et c'est pas non plus qu'est-ce qu'ils appellent les koufars une théocratie. Théocratie, ça veut dire qu'un état où c'est les religieux qui dirigent. Ça veut dire c'est les prêtres, les moines, et eux ils vont faire des lois religieuses. Et c'est ça pour eux la démocratie. Donc c'est pas ça non plus dans l'islam. Hein? Le cheikh, il en parle de toute façon, il va l'expliquer plus tard. Mais bon, en attendant, le cheikh a dit, je présente ces livres-là sur les questions de la politique islamique pour clarifier, expliquer au lecteur. Et il dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'ils en profitent. Après, il dit, فَمُنْدُ زَمَنٍ غَيْرْ قَسِيرٍ أَسْمَعُ كَمَا يَسْمَعُ غَيْرِ اللَّفْظِ وَالْخَلْطِ فِي مَوْضُعَاتٍ كثيرة تتعلق بالسياسة الإسلامية وكذلك من بعض الكتاب المخدوعين بالثقافات الأجنبية غربية أو شرقية دون أن يكون لديهم رصيد يذكر في الدراسات الإسلامية بعامة. Donc le cheikh il commence en disant que depuis quelque temps, et depuis assez longtemps même, j'entends moi-même et ainsi que d'autres que moi, on entend des termes et de la confusion, du mélange dans plusieurs sujets qui sont reliés à la politique islamique. Et ça vient souvent de certains auteurs, certains écrivains qui écrivent et qui sont trompés, qui sont trompés par les cultures étrangères. Les cultures étrangères, c'est-à-dire des cultures qui ne viennent pas de l'islam. Soit qu'elles sont des cultures occidentales ou orientales. C'est-à-dire que ça vient de l'Occident, l'Europe, l'Amérique, ou bien de l'Orient. Par exemple, le communisme qui vient de l'URSS ou autre, et des choses de ce genre. Parce qu'à un moment donné, au début du siècle, au début du XXe siècle, dans les pays arabes, c'était ça. Là où les musulmans étaient tous soit avec l'Occident ou avec l'Orient. Il y en a qui étaient, ils défendaient les valeurs des Occidentaux capitalistes et d'autres communistes, et là, ils se divisaient en deux groupes par rapport à ça. Il y en a, c'est pas tous là, mais une catégorie parmi les gens qui étaient influencés par ces courants et ces tendances-là. Le cheikh dit, donc, il y a certains qui sont influencés par ces idées-là, puis qui écrivent des livres sur l'islam, puis qui parlent de ces questions qui ont rapport avec la politique. Sauf que ces gens-là, ils n'ont pas de bagage islamique. C'est pas des gens qui sont des spécialistes dans les études islamiques de façon générale. Wa fi an-nahiya ad-dusturiyya wal-aqadiyya wal-iqtisadiyya bi khassa. Et non plus, ils n'ont pas fait d'études islamiques dans ce qui concerne les questions de la constitution et des contrats et de l'économie en particulier. Donc dans ces domaines-là non plus, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas spécialisés là-dedans. وهم مع ذلك أكثر كتابة من غيرهم في مسائل السياسة الإسلامية وأصرح دعوة إلى أفكارهم على غير بصيرة وأنشط في التأثير على غيرهم من العوام وأشباه العوام. Donc le cheikh il dit, et malgré ça, c'est-à-dire malgré que c'est pas des gens spécialisés dans les études islamiques ni dans les études reliées à l'islam et les autres questions de constitution, des contrats, de l'économie et autres, malgré tout c'est eux qui écrivent le plus sur ces sujets-là et qui parlent sur des questions qui ont rapport avec la politique islamique. C'est des gens qui détaillent encore plus leur appel à leurs idées dans ces questions-là, sans aucune compréhension, et qui sont les plus motivés à essayer d'influencer les autres et essayer d'appeler les musulmans du commun et autres à les suivre dans ces questions-là. Et c'est ça ce qu'on constate en fait. فَمُشَارَكَةٌ مِنِّي في بيان الحق والدعوة إليه والدفاع عنه سجلت بعد ما ينبغي ذكره في هذه الموضوعات على شكل محاضرات مختصرة ثم بدا لي طبعها ونشرها بين الناس لتعم الفائدة إن شاء الله. Donc il dit, donc j'ai voulu participer, j'ai voulu qu'il y ait de ma part cette participation là pour clarifier la vérité et pour appeler à la vérité et pour la défendre. Donc, il dit que j'ai écrit, enregistré quelques sujets à ce sujet-là, par rapport à ces questions-là, sous forme de conférences. Et c'est des conférences résumées. Et puis, par la suite, il m'est venu l'idée de les mettre, de les publier et de les distribuer parmi les gens pour que le bienfait soit plus général. Et pour que tout le monde puisse en profiter. وقد عالجت وقد عالجت في هذه الرسالة الرسالة الأولى موضوع الشورى في الإسلام. Donc, il dit dans le premier de ces livres que j'ai écrit, j'ai voulu traiter et parler du sujet de la Shura dans l'islam. Donc il dit فتحدثت عن مكانتها وأنها من صفات المؤمنين وقد أمر بها وقد أمر الله بها خاتم النبيين محمدا عليه من ربه الصلاة والسلام حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستشارة امتثالا لأمر الله فيما لم ينزل عليه به وحي ولا سيما في المسائل الحربية ومكيدتها وخداعها فالحرب خدعة. Donc le cheikh il dit j'ai parlé donc de son statut, c'est-à-dire son importance, et que ça fait partie, la shura, la consultation, la concertation, ça fait partie de également les caractéristiques des croyants. Ça fait partie des caractéristiques des croyants. Parce que les croyants, entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa amruhum shura baynahum. Hein? Donc, leurs affaires sont gérées par la consultation, par la concertation. Et après, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au dernier des prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'utiliser la concertation, la consultation, et ça c'est un ordre de son Seigneur, hein, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ça justement, il avait constamment recours à la consultation avec ses sahaba pour mettre en œuvre et implémenter l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé dans la révélation. Et en particulier dans les questions qui sont reliées à la guerre et aux stratégies, hein, aux stratégies militaires et aux ruses. Donc ça c'est des domaines dans lesquels il n'y a pas de révélation spécifique révélée. Donc c'est dans ces questions-là en particulier qu'il fallait avoir recours à la consultation. Donc ça c'est un point très important, et souvenez-vous-en, parce que c'est un point que souvent les gens de Hizbiya négligent ou bien oublient, en particulier lorsqu'ils essaient de faire l'analogie entre la démocratie et la Shura. La Shura dans l'islam, c'est uniquement pour des questions sur lesquelles il n'y a pas de texte révélé et qui sont explicites et claires. S'il y a un texte qui est révélé, qui est explicite et clair par rapport à un sujet, on n'a pas le droit d'avoir recours à la Shura dans cette question-là. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne juste un exemple, même si ça va paraître évident, mais si je dis par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'alcool. Là, après, quelqu'un dit, ben, on va faire une consultation pour savoir si on va utiliser l'alcool ou non, ou comment on va l'utiliser ou non, ou des choses comme ça. Non, mais ça c'est quelque chose, il y a un texte déjà, c'est clair que c'est interdit, hein? Ou bien il y a une façon comment le prophète nous a enseigné de faire quelque chose en particulier. Puis toi tu dis, ben, on va faire une shura pour savoir comment on va le faire. Pas besoin d'une shura dans ces questions-là, puisqu'il y a déjà une chose qui parle de ça. Tandis que dans la démocratie, ben, les gens ils votent sur tout. Hein? On veut faire quelque chose, ok, comment on va le faire? Bon, l'Assemblée, qui est d'accord? Bon, levez votre main, tout le monde lève sa main. Bon, ok, on a combien? 55 qui disent oui, on a 45 qui disent non. Ok, bon, le oui qui gagne, donc ça y est, c'est ça, c'est la loi maintenant, nouvelle loi. Hein? Même s'il y a un verset qui parle de l'affaire. C'est comme donc ça n'a rien à voir avec la Shura ni avec l'islam, hein. Donc le cheikh il explique, après il mentionne le hadith par rapport aux ruses de la guerre et tout, les ruses militaires et les stratégies militaires. Il dit al-harb khida, c'est-à-dire la guerre c'est une ruse, hein, c'est d'utiliser la ruse. C'est rapporté par al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn Majah selon Jabir. Donc ça c'est un hadith authentique. كما أوضحت في هذه الرسالة أن الشورى غير ملزمة وإن قال بعض أهل العلم أنها ملزمة ولكنني خالفت هذا الرأي وناقشت هذه النقطة بما تستحق وأثبتت بالأدلة التاريخية بأنها غير ملزمة ولله الحمد والمنة. Donc, le cheikh il a dit aussi un point important. Il dit j'ai clarifié également que il dit dans ce livre j'ai clarifié également que la shura elle peut pas être imposée. Je l'ai traduit plusieurs fois. C'est la concertation et la consultation. Oui, c'est ça. Barakallahu fik. C'est pas grave. Ça m'a permis de boire une gorgée d'eau. Non, c'est pas grave. Donc, pour te dire, il dit que j'ai clarifié que la shura elle ne peut pas être imposée au dirigeant. C'est-à-dire que si le dirigeant il a un conseil, hein, il a un conseil pour prendre des consultations de des gens qui sont parmi les spécialistes, parmi les ministres, parmi les députés, parmi les gens importants de la société, et qu'ils vont se consulter pour trouver une meilleure solution pour un problème, et que le conseil se met d'accord sur quelque chose, et qu'ils disent aux dirigeants, nous on te conseille de faire telle chose, le dirigeant, il a le choix d'accepter le conseil et de prendre en considération la consultation, ou de ne pas l'accepter aussi, et de faire selon son point de vue, s'il veut. Dans le sens que ce n'est pas imposé à lui d'obéir à la Shura. Hein? C'est pas la même chose dans la démocratie. Hein? Si l'Assemblée décide quelque chose, puis que tout le monde a voté, en principe, ils doivent l'appliquer, à moins que par rapport dans certains pays, par exemple, des fois peut-être, je sais pas, là je dis ça comme ça, là, mais dans certains pays, par exemple, le président, il aura un droit de veto. Hein? Il pourra dire non, ça passe pas, puis il peut bloquer l'affaire. Ben, ça peut peut-être être des cas comme ça, mais sinon, dans l'islam, la shura, elle n'est pas imposable aux dirigeants. Il dit que même si certains savants ont dit qu'elle était imposable et qu'elle pouvait être forcée ou imposée aux dirigeants, mais il dit, moi j'ai contredit cette opinion-là et je l'ai débattue avec ce qu'elle mérite comme preuve historique pour prouver qu'elle n'est pas imposable aux dirigeants. Wallillahi alhamd. Et d'un point de vue logique, tu regardes ça, puis si tu dis, bon, si la shura est imposée, ça veut dire que c'est pas le dirigeant qui est dirigeant. C'est la shura qui dirige, puis lui, il doit obéir à la shura. Donc, dans ce cas-là, c'est qui le dirigeant? Hein? C'est comme la même chose qu'est-ce qui se passe maintenant dans la rue, des fois. Les gens, ils disent, ouais, mais le dirigeant, il doit obéir à qu'est-ce que la population veut. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir de la population, le pouvoir du peuple. Donc, si le peuple descend dans la rue et dit, non, on veut pas ça, eh bien, le dirigeant doit obéir à la population. Alors, dans ce cas-là, pourquoi il est dirigeant? On n'a plus besoin de dirigeant dans ce cas-là. Hein? On met personne au pouvoir. Et puis, quand les gens veulent choisir quelque chose, eh bien, tout le monde pèse sur un bouton chez lui dans son ordinateur. Est-ce qu'on fait ça, oui ou non? Ok, on pèse le bouton sur l'ordinateur, oui, on le fait. Et puis, ça y est. Celui qui a plus de oui, la décision qui a plus de oui, on dit oui. Et là, une décision qui a plus de non, on dit non. Pas besoin de dirigeant dans ce cas-là. Hein? Le dirigeant, ça va être la majorité tout le temps. Puis le problème avec ça, c'est que qu'est-ce qui contrôle l'opinion de la masse? Qu'est-ce qui contrôle l'opinion publique? C'est les médias, c'est hein, tout ce qui se passe à la télé, la radio, les journaux. C'est ça qui programme et qui manipule l'opinion publique et qui fait qu'ils aiment plus quelque chose ou non. Et qu'à une époque, ils aiment plus quelque chose, puis à une autre époque, ils vont dire non. Hein? Avant, quelque chose, tout le monde disait non, ça c'est mauvais. Et là, aujourd'hui, tout d'un coup, ça devient bon. Tout le monde dit, ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors que tu recules quelques années en arrière, c'était mauvais. Comme l'homosexualité. Tout le monde disait c'était mauvais. Avant, là, tout d'un coup, c'est devenu bon. Peut-être dans 50 ans, ça va devenir mauvais encore. Donc, c'est selon la passion des gens et l'opinion des gens qui est basée sur toutes sortes de facteurs qui sont pas du tout, parfois pas du tout scientifiques, pas du tout, pas basés sur la révélation ou rien. Juste sur les passions aveugles. Donc, le cheikh, il dit ensuite, il dit, كما ناقشت في هذه الرسالة زعم القائلين بأن الشورى هي الديمقراطية أو تفسير للديمقراطية وأوضحت بأن هذه أكبر غلطة أكبر غلطة يرتكبها الكتاب المخدوعون لأن الديمقراطية كلمة أجنبية لفظا ومعنى وسوف يرى القارئ في هذه النقطة مناقشة ساخنة. Allahu Akbar. Donc le cheikh il dit, j'ai débattu dans ce livre, dans cet écrit, l'idée de ceux qui disent que la Shura c'est la démocratie ou une interprétation de la démocratie. Et j'ai clarifié que c'est la plus grande erreur que font les écrivains qui ont été trompés par les idées occidentales ou orientales ou autres. Parce que la démocratie, premièrement, c'est un mot étranger à l'islam. Dans son terme, dans son mot, le mot lui-même, il est étranger à la religion. Il vient du grec. Et deuxièmement, il est étranger dans sa signification aussi. Il n'a rien à voir avec l'islam. Et donc, le lecteur verra ici des points et un débat, une argumentation très chaude. Hein? Comme si ça va chauffer là. En fait, c'est que le groupe des frères musulmans, qu'est-ce qu'ils font? C'est en fait essayer de dire que eux, qu'est-ce qu'ils prétendent? C'est qu'ils veulent ramener le khilafa. Ils disent, oh, il n'y a plus de khalifa maintenant, depuis la chute de l'Empire ottoman. Ils prétendent qu'il n'y a plus de khalif, qu'il n'y a plus de khilafa et qu'il n'y a plus l'application de la charia. Donc, ils prétendent qu'ils veulent ramener la charia. Il n'y a pas de doute qu'il faut appliquer la charia. Bon, premièrement, il y a un pays musulman actuellement comme l'Arabie Saoudite qui applique la charia. Eux, ils le considèrent comme un pays mécréant. Hein? Parce que c'est pas eux qui est au pouvoir. Donc, quand c'est pas eux qui est au pouvoir, ça veut dire que pour eux, ça marche pas. Deuxièmement, c'est parce que si tu veux appliquer la charia, eh bien il faut utiliser les moyens qui sont permis dans la charia pour l'appliquer. Hein? Parce que eux, les Ikhwan, leur dicton, leur proverbe, c'est tout, les buts justifient les moyens. Ça veut dire que tu veux arriver à un but et ce but-là, il est bon. Donc, pour y arriver, utilise n'importe quelle façon, c'est pas grave. Coup d'État, attentat terroriste, renversement, manifestation, bombe, n'importe quoi. Du moment que tu arrives à ton objectif, c'est ça qui est important. Et l'islam, il dit pas ça. L'islam, il dit, tous les moyens pour arriver à ton but doivent être en accord avec la charia de l'islam. Ils doivent être bons. Si les moyens ne sont pas bons, eh bien, il n'est pas permis de les utiliser pour arriver à ton objectif. Oui, mais bien avant, mais bon, ça c'est des raisons historiques. Mais pour te dire, comme par exemple, appliquer la charia, ça ne peut pas se faire, barakallahu fik, ça ne peut pas se faire en disant, par exemple, eux ils disent, on va rentrer dans les parlements, on va faire un parti politique, on va rentrer dans le parlement si on va être élu. Quand on va arriver à former une majorité, là on va voter des lois qui vont être islamiques, qui vont être en accord avec l'islam, puis finalement si on arrive, bon, peut-être un jour on va changer la constitution, puis on va appliquer l'islam. Tu vois? Mais c'est pas comme ça. Le prophète, est-ce que c'est comme ça qu'il a appliqué la charia quand il est venu? Hein? Comment il a fait? Est-ce qu'il a dit, bon, ça y est, ok, Quraysh, on va faire un parti politique, mais on va appliquer. Non, c'est pas comme ça. Eux, déjà, ils ont commencé par quelque chose qui n'est pas un objectif, ils en ont fait un objectif. Les prophètes ne sont pas venus pour ça. Les prophètes sont venus déjà à la base pour appeler au tawhid et pour appeler Allah, ilaha illallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a fait, c'est ça. Tant qu'il y a du shirk, surtout en Égypte, c'est un des pays où il y a, parmi les pays musulmans, qui a le plus de tombes adorées en dehors d'Allah. Il y a des endroits en Égypte où les gens font des pèlerinages chaque année. Il y a des millions de gens qui s'en vont faire des pèlerinages là-bas. Alors que dans l'islam, il y a un seul pèlerinage qui est permis. C'est à la Mecque. Hein? C'est pas à une tombe. Hein? C'est à la Mecque. Et la Mecque, c'est pas une tombe. La Mecque, c'est un lieu de culte qui a été créé, plutôt fabriqué par Ibrahim et son fils Ismaïl. Hein? Pour l'adoration d'Allah. Et c'est là qu'on doit aller pour faire le pèlerinage. Pas dans une tombe, dans un autre pays. Hein? Donc ils vont là-bas à la tombe de un saint qu'ils appellent Al-Badawi. Dans la ville de Tanta. Ils vont là-bas des millions, 3 millions par année des fois. Des gens qui se disent musulmans, des musulmans ignorants, des musulmans de toutes catégories. Il y en a qui savent pas. En tout cas, disons que il y en a qui savent, il y en a qui sont des gens qui connaissent la religion qui acceptent ce shirk. Donc dans ce cas-là, c'est pas des musulmans, mais ceux qui savent pas parmi eux, des gens qui viennent de, je sais pas moi, peut-être de la brousse, qui connaissent pas l'arabe, des gens qui viennent de l'Inde. Une fois, j'étais parti en Jordanie, j'allais prendre l'avion, puis c'était même pas la période, c'était même pas la période du Hajj, mais ils étaient tout habillés comme lorsque les groupes viennent pour le Hajj. Ils ont tout un ensemble pareil, puis tu les reconnais par leur pays. Et là, je me dis, mais vous allez où? Parce que là, c'est pas le Hajj, donc vous allez faire la Umrah? Il me dit, non, on s'en va. Ben, il dit, on s'en va en Égypte, visiter la tombe de Al-Hussein. Ouais. Mais c'était pas des chiens, parce qu'il y en a même des soufis qui vont là-bas visiter la tombe de Hussein. Pourtant Hussein, il est enterré à Karbala en Irak. Donc comment ils vont aller voir sa tombe en Égypte? Il a pas été enterré en Égypte, mais il a une tombe en Égypte et il a une tombe à Karbala. Il y en a qui disent que c'est sa tête ils disent son corps est enterré à Karbala, puis sa tête est enterrée en Égypte. Donc eux, ils s'en vont faire le pèlerinage en Égypte pour sa tête. C'est pour dire, ça, c'est les choses qu'il faut commencer à purifier, nettoyer. La aqida des gens en Égypte, commencer par ça. Depuis 1928, Hassan al-Banna, il a établi sa da'wah sur le fait de dire, on va faire sortir les gens des cafés puis des cinémas pour les amener à la mosquée. Puis après, il les laisse aller dans les tombes, puis lui-même, il y va. Quelle réforme? Il n'a pas fait la réforme dans les fondements. Il a fait une réforme comme ça, superficielle, juste pour dire, là il y a des musulmans qui font des péchés, on va les ramener à la mosquée. Mais le plus grand péché, le shirk, il le laisse. Où est-ce qu'elle est la réforme? C'est la même chose avec Jamaat Tablir. Il dit, on va ramener les musulmans à la mosquée, ceux qui font des péchés, qui ne vont pas à la mosquée, on va les ramener à la mosquée. Mais le problème, c'est que il les laisse faire le pire de tous les péchés, c'est le shirk, billah. Donc c'est pour vous dire, donc le cheikh il dit ensuite, Wallahu as'al wa bihubbi li rasulillahi alayhi salatu wassalam atawassal an yaj'ala amali hadha khalisan li wajhihi al-karim ba'idan min ar-riya saliman min jami'i al-uyub wal-afat وأن يكتب له القبول ويجعل فيه الفائدة للمسلمين إنه سميع قريب مجيب الدعوات وصلاة الله وسلامه وبركاته على صفوة أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كتبها الدكتور محمد أمان ابن علي الجامي. Donc le cheikh il dit, et c'est à Allah que je demande, et par l'amour pour son prophète, hein, je cherche comme moyen pour demander à Allah et pour me rapprocher à Allah l'amour de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, ça c'est une forme de tawassul qui fait partie des formes de tawassul qui sont permises. Le tawassul par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est permis parce que c'est toi, c'est une action que tu fais toi-même. Mais si tu demandes par le statut du prophète ou par la personne du prophète, ça c'est bid'ah. Hein? Et si tu demandes quelque chose directement au prophète, ça c'est shirk. C'est comme qu'est-ce qui a été écrit par exemple sur le site de l'autre là, comment il s'appelle, Hussein, Imran Hussein. J'ai reçu des centaines de emails pour me demander est-ce que Imran Hussein il est correct. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que Imran Hussein il est correct, oui ou non? Imran Hussein, premièrement, c'est quelqu'un qui fait partie des soufis, hein, qui fait partie des gens de l'égarement, qui appelle à la aqida des Asha'ira al-Maturidiyya, mais qui est sur une voie parmi les voies des soufis. Regardez qu'est-ce qu'il dit sur son site en français, son site officiel. Il critique ceux qu'il appelle les Wahhabiyya, et il les accuse, hein. Il les accuse de, justement, toutes sortes de choses qui sont totalement fausses. Et donc, il fait la critique, bien entendu, de la da'wah du cheikh. Et il dit, ainsi, il n'est pas du tout shirk de dire, « Ô messager d'Allah, intercède pour moi auprès d'Allah par ta shafa'a. » Et ça, c'est shirk avec Allah. Il dit, comme si ce n'est pas grave que tu demandes au prophète pour qu'il fasse la shafa'a pour toi. Si c'était que tu vivais au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant et que tu allais le voir puis tu lui dis « Ô messager d'Allah, intercède pour moi auprès d'Allah » et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un dua pour toi, ça c'est correct, aucun problème. Mais maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et enterré, eh bien tu n'as plus le droit de demander quoi que ce soit au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il ne peut plus rien faire pour personne, même pour lui-même. Une fois qu'il est dans sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, les gens de bid'a et de shirk, comme parmi les soufis, qui essaient de justifier ce genre de choses, ils vont utiliser les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que quand on lui envoie le salut, il y a des anges qui lui transmettent notre salam. Hein? Ça, c'est vrai. Il y a des anges qui lui transmettent notre salam. Est-ce que ça veut dire que si, quand Allah lui il a dit Allah me remet mon âme pour que je réponde au salam, est-ce que ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond aux invocations quand on l'invoque, il répond à nos appels? Non, il répond au salam, c'est tout, hein? Pas quand tu lui demandes il va te répondre, ou bien quand tu vas lui demander de prier pour toi il va prier pour toi. Non. Qui a dit ça? Ça, c'est eux qui ont essayé d'interpréter ça de cette façon, mais il n'y a aucune preuve pour dire ça. Hein? Sinon, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand je vais être mort, priez-moi, demandez-moi? Et est-ce que les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa tombe pour demander quelque chose? Jamais. Ils n'ont jamais fait ça. Hein? Donc, et la même chose pour les autres prophètes. Parce que s'ils disent que ça, c'est permis de le faire, alors dans ce cas-là, les chrétiens, ils ont raison de prier Jésus, de prier Marie, de prier les autres prophètes. Hein? Et une fois, j'ai demandé ça à un Ahbash. Il a dit, si un chrétien, il prie à Jésus, est-ce que ça, c'est shirk? Il a dit non. Et s'il prie à Marie, est-ce que c'est shirk? Il a dit non, c'est pas shirk. Il dit, qu'est-ce qui est shirk? C'est juste parce qu'ils disent que Dieu est le fils de, Jésus est le fils de Dieu. Mais s'il ne dit pas qu'il est fils de Dieu, puis qu'il continue à le prier, c'est pas grave. Donc eux, ils ne considèrent pas le shirk dans l'adoration comme étant du shirk. Hein? Donc, ça c'est une chose. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ou bien dire, ô messager d'Allah, prie pour moi que Allah me pardonne. Il dit, cette forme d'intercession s'appelle en islam la shafa'a. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est-à-dire, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs, nos intermédiaires auprès d'Allah. Dit, allez-vous informer Allah de ce qu'il ne connaît pas, ni dans les cieux et sur la terre? Hein? Ce que Allah ne connaît pas, c'est quoi? C'est ce qui n'existe pas. Hein? Si Allah ne connaît pas, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce qui existe dans les cieux et sur la terre, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala le connaît parfaitement. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui échappe à sa science. Il connaît toutes choses. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos d'une chose dans les cieux et sur la terre qu'il ne la connaît pas, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Hein? C'est-à-dire que cette chose-là, elle est impossible. Hein? Parce que c'est impossible que quelque chose existe sans que Allah subhanahu wa ta'ala le connaisse. Et donc, quand les mouchriquines ici, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, est-ce que vous allez apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il ne connaît pas, ni dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez ou vous prétendez connaître plus que Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Donc il vous dit que c'est lui seul à qui appartient l'intercession et personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Si vous adorez d'autres que lui et vous prenez des intermédiaires en dehors de lui, eh bien vous avez inventé un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la signification de ce qu'il dit ici dans ce verset. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, dans son livre Bada'i al-Fawa'id, il a détaillé encore plus sur ce point, il a clarifié encore plus cette question pour expliquer ce que ça signifie. Donc pour celui qui a l'arabe, il peut retourner donc au livre de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Bada'i al-Fawa'id. Et il y a également d'autres ulama comme Cheikh Mohamed Aman al-Jami qui a expliqué ça de cette façon-là, yani qui a clarifié cette signification-là. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe. Ça, c'est, si je ne me trompe pas, le verset 18 dans Sourate. Je crois que c'est verset 18 dans Sourate Yunus. À force de le réciter, je devrais le. Donc c'est ça. Il dit cette intercession s'appelle la shafa, elle a été donnée par Allah à un seul être parmi toutes les créatures, Muhammad, que la paix et les salutations soient sur lui. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai qu'au jour de la résurrection, Allah va donner l'intercession, la shafa, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, au jour de la résurrection, les croyants vont aller voir les prophètes, un à un. Et ils vont leur demander, en commençant par Adam, alayhi salam, est-ce que tu peux intercéder pour nous? Et il va s'excuser. Et il va mentionner une excuse pour laquelle il ne peut pas. Et il va demander d'aller voir un autre prophète. Après, ils vont aller voir un autre, Ibrahim. Et Ibrahim va s'excuser. Il va dire d'aller voir un autre prophète. Et le prophète Ibrahim, il va dire allez voir Moussa, alayhi salam. Et Moussa va s'excuser, il va dire allez voir un autre. Et ils vont aller voir Isa, alayhi salam. Et Isa aussi va dire non, c'est pas moi, allez voir quelqu'un d'autre. Ils vont aller voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi salam. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi salam, va dire Analaha. Hein? C'est-à-dire celle-là, c'est pour moi. Et donc, yani, il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, il va invoquer Allah par des glorifications que Allah va lui inspirer ou enseigner à ce moment-là. Puis, quand Allah va vouloir, il va ordonner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de se relever et il va dire demande et tu seras exaucé et intercède et ton intercession sera acceptée et ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est au jour de la résurrection. Pas pendant la mort du prophète Hassan sur la terre. Parce que le prophète Hassan, même si on dit que les prophètes sont vivants dans leur tombe, ou les martyrs sont vivants dans leur tombe, ils sont dans une vie qui est, qu'on appelle barzakhiyya. Une hayatun barzakhiyya. Et ils sont dans un barzakh. Et ce barzakh, c'est une barrière. C'est un monde intermédiaire entre notre vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Et les règles qui régissent ce monde du barzakh ne sont pas comparables à celles de notre vie d'ici-bas. Et donc, ils ne peuvent pas, dans le barzakh, faire des choses comparables à celles de la dunya. Hein? Donc, on ne peut pas imaginer ou penser que on peut demander quoi que ce soit à un mort et que le mort va venir pour remplir ce qu'on lui demande ou faire ce qu'on lui demande ou des choses de ce genre. Hein? Il faut demander l'intercession à Allah seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا » dit l'intercession, c'est à Allah tout entière qu'elle appartient. « لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « أَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَاعًا » Est-ce qu'ils ont pris en dehors d'Allah des intercesseurs ou des intermédiaires, hein? Et il y a plein d'autres exemples aussi. Le shirk des mouchriquines à l'époque de la djahiliya, leur shirk c'était justement de prendre entre eux et Allah des intermédiaires. Hein? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Il disait et ceux qu'on prend comme alliés, hein, auprès d'Allah ou en dehors d'Allah, on les adore que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc c'était ça leur excuse de faire le shirk, d'adorer autre que Allah, c'est de passer par eux pour se rapprocher d'Allah, pas pour les adorer eux en tant que divinité, hein, en tant que Dieu créateur, non, en tant qu'intermédiaire, en tant qu'intercesseur. C'était ça leur shirk. Et l'imam, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a réfuté ces choubouhats-là de Imran Hussein et de ceux qui propagent ça dans les sites soufis. Il a réfuté ces choubouhats là dans son livre Kashf al-Choubouhat, hein, de façon très claire. Et je l'ai fait le charf de, j'ai lu le charf de Sheikh Ibn Baz de Kashf al-Choubouhat dans, je pense, le cours, on a fait, je pense, le cours 8, cours 6, 7, 8, en tout cas, dans ces cours-là, sur le site Salafi de Montréal, vous allez le trouver, il y a les réponses à ce genre de choubouhat. Donc Imran Hussein, faites attention, c'est un gars, il parle que de politique et il s'invente des trucs dans sa tête, il invente des théories ou des trucs, il essaie d'interpréter les théories du complot, de la franc-maçonnerie, puis de toutes sortes de trucs, des délires qu'il a, il essaie d'interpréter ça selon les signes de la fin des temps, puis il mélange ses théories, ses analyses politiques avec ça. Puis il prend ses rêves pour des réalités et c'est quelqu'un qui, Allah al-Musta'an, c'est vrai, c'est quelqu'un qui n'a aucune compréhension de la aqida et du manhaj des salafs. Et lorsqu'il parle de la salafie, il le compare aux protestants, à la religion chrétienne. Il dit les salafis sont comme des protestants chez les chrétiens. Hein? Imran Hussein, ah oui, il est vivant, Allah Musta'an. Je ne sais pas qu'est-ce qui est étonnant, hein, qu'est-ce qui est plus étonnant, c'est que c'est un anglophone. En principe, les gens de la France devraient, même ici au Québec, en général, les speakers qui sont anglophones, ils ne les connaissent pas. Mais il y a des gens, je ne sais pas c'est qui, mais il y a un groupe parmi les gens de la fitna, les gens de la bid'a, qui traduisent tous les speakers anglophones parmi les hizbines et les gens de bid'a, ils les traduisent et ils mettent des sous-titres à leurs vidéos puis ils les mettent sur YouTube. Tous les gens que tu peux imaginer parmi les gens de hizbiya, hein, leurs vidéos, tu les trouves maintenant sous-titrées. Hey, c'est ça, c'est pour ça que tu trouves des fois des jeunes francophones maintenant, ils ont toutes sortes d'idées bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils ont ces vidéos-là, c'est sous-titré, ils les écoutent. Tous les hizbiyines, Mohamed Hassan, Abu Ishaq al-Houaini, c'est sous-titré. Les vidéos de Khalid Yassine, et les vidéos de même Yasser Qadi, Yani de Maghreb Institute, ils les traduisent en français. Yani des speakers, des gens même, yani subhanallah, des gens que tu connais même pas, que tu n'as même pas entendu parler, ils traduisent leurs vidéos en français. Pourquoi? Parce qu'ils veulent essayer, ils voient que la da'wa salafia en Europe, elle est forte. Plus forte qu'ici. Ici au Québec, la da'wa salafia maintenant, elle est vraiment à son début là. Il n'y a pas beaucoup de force à la salafia. En Europe, il y a un grand nombre de salafis. Même s'il y a beaucoup de. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des questions, parfois il y a des situations, des fois c'est des problèmes, c'est normal. Mais il y a beaucoup plus en nombre de salafis qu'ici. En France, en Angleterre et tout. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup plus longtemps que la salafia s'est installée, puis de façon plus ferme là-bas. Même moi, quand je vais là-bas en France, des fois, les frères là-bas, ils me disent, ah, comme si eux, ils se trouvent pas, comme s'ils se trouvent pas, comme s'ils sont vraiment encore corrects. Ils se plaignent de leur état, comme si la salafia en France n'est pas très, très, très bien. Mais quand moi, je compare à ici, moi, je dis, mashallah, qu'est-ce que vous avez, vous, par rapport à nous, c'est beaucoup, par rapport à nous. Mais nous, ici, les frères ici, ils pensent que parce que, étant donné que je fais des cours sur Internet et que je fais des cours à la mosquée ici, les frères, il y en a des frères en Europe, des fois, ils m'envoient des emails, ils me disent, je voudrais venir au Québec faire la hijra. Je leur dis non, venez pas au Québec parce que c'est pas ici que vous allez trouver la salafia et encore moins l'islam, yani. Et même qu'il y a des jeunes frères français qui sont venus au Québec et c'est là qu'ils se sont perdus avec des hizbiyines. Parce que c'est ici que les hizbiyines sont plus nombreux, puis qu'ils ont les mosquées, les salafis sont tous éparpillés un petit peu partout. Et il n'y a pas vraiment, c'est pas clair la salafie au Canada, à Montréal. On ne peut pas la voir en force. Hein? Tandis que là-bas, il y a des quartiers, en France, il y a des quartiers, il n'y a que des salafis. Mais il y a une grande majorité de frères qui sont des salafis entre eux. Donc on voit ça parfois dans certains quartiers, même si parfois il y a des endroits où c'est plus fort et des endroits où c'est plus faible. Mais c'est pour dire, yani, que tout est relatif. Comme nous par exemple, quand on va à Toronto, des fois on dit, ah mashallah, les frères à Toronto, ils sont organisés, hein, et ils font des efforts pour propager la salafia mieux que ici. Et quand tu vas en Angleterre, eh ben c'est encore plus fort que à Toronto, puis aux États-Unis, c'est plus fort que à Toronto aussi. Donc, oui, parce que là-bas, il y a plus de frères qui ont étudié. Aux États-Unis, il y a plein d'étudiants, des frères qui ont étudié à Medine. Il y a Detroit, il y a Philly, il y a d'autres villes aussi. Beaucoup de frères qui, mashallah, ont étudié, puis qui sont allés à Medine, qui sont revenus. Là, maintenant, ils font de la da'wa, ils traduisent les paroles des ulama, ils expliquent aux gens la salafia, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même du travail qui est fait. Mais c'est pour dire que nous, on a toujours tendance à voir qu'ailleurs c'est mieux. Des fois, on ne réalise pas, mais quand même, nous, ici à Montréal, comme je disais, il y a toujours eu des salafis à Montréal depuis que je suis converti. Mais à la base, souvent, c'était comme des frères qui venaient des pays arabes, qui parlaient, par exemple, arabe. Donc, eux, ils écoutaient les paroles des chouyours salafis, mais ils ne pensaient pas comme qu'il faut appeler les autres pour qu'eux aussi acceptent la salafia, le Coran. Hein? C'est ça. Ils sont restés dans leur coin, puis ils ont gardé l'affaire comme en privé, entre eux. Comme si nous, on est salafis entre nous, mais ça s'arrête là. Puis ils ne font pas d'efforts pour essayer de la propager, pour la faire connaître aux autres, qui ne sont pas arabes, ou bien qui sont même des arabes, même des fois, qui sont même de leur même pays que eux, mais que eux sont par exemple d'autres tendances. Bon, ils les laissent. Ils ne vont pas clarifier les égarements des gens de Hezbollah, des gens de Bid'ah, des autres sectes, pour leur faire comprendre, puis les ramener à la salafia. Non. Il laisse chacun faire ce qu'il veut, puis chacun s'occupe de ses petites affaires. C'est pour ça que la salafia s'est pas propagée. Hein? Puis là, alhamdoulilah, maintenant, avec l'Internet, avec les durus des ulama, avec les efforts des toulab ilm et tout, maintenant, on voit qu'il y a eu une propagation, une revivification de la salafia. Mais la salafia, elle ne peut pas se propager toute seule. Et l'islam, même l'islam, quand on dit la salafia, c'est l'islam dans sa pureté. L'islam qui est en accord avec les principes de l'islam, selon la compréhension des salafos salih. Donc c'est le vrai islam. Il ne peut pas se propager tout seul. Il a besoin des hommes pour la porter. De la même manière que la bid'a ne se propage pas toute seule. Tu ne vas pas voir une bid'a qui marche sur le coin de la rue tout seul. Hein? Hein? Exactement. Même Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, il a dit, les livres, c'est comme des armes et des boucliers. Hein? Mais il dit, si les armes, tu ne sais pas les utiliser, et tu ne sais pas utiliser les boucliers, est-ce que tu vas être capable de te protéger quand ça va venir le temps, ou d'attaquer lorsque c'est le temps? Non. Les livres, c'est comme la même chose. Tu peux avoir toute une bibliothèque remplie de livres ici, tout autour des murs, des milliers de livres. Mais si on ne les ouvre pas, puis on les étudie pas, puis on ne les enseigne pas, toute cette science-là, elle sert à quoi? Elle sert à rien. Parce que le but de la science, c'est pas juste d'être là comme ça, sur les étagères, mais c'est d'être appris et d'être enseigné et d'être appliqué. C'est ça le but. Hein? Donc, le fait qu'on s'assoie puis qu'on étudie ces livres-là et qu'on les enseigne puis qu'on diffuse cette compréhension-là aux gens, c'est ça ce qui fait revivre les choses et qui fait réveiller les gens et qui fait comprendre à beaucoup de monde la réalité. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, ça c'est le cours d'introduction. Puis, samedi prochain, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, et vous allez voir que c'est un livre très très intéressant puis très important, surtout à notre époque avec tout ce qui se passe comme fitna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.